Pourtant, à leur retour à Moscou, les deux suspects ont été décorés de médailles militaires. L'un d'eux est même devenu député pour le parti Russie Unie, celui, tiens donc, de Vladimir Poutine. Dans les mois et les années qui suivent, l'affaire Litvinenko s'enlise dans des demandes d'audition, d'extradition, d'expertise, de procédures stériles. Il faut attendre janvier 2016 pour qu'enfin, par l'intermédiaire du juge Owen, on n'ait plus beaucoup de doutes sur cette affaire et qu'on attribue l'assassinat au FSB. À bien des égards, la mort d'Alexandre Litvinenko épouse tous les standards de la guerre froide, offrant à cette histoire un scénario solide, mais qui semble s'être trompé d'époque. Les premières lueurs aux yeux sombres. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles aujourd'hui, Alexandre Litvinenko, victime d'un permis de tuer. Notre invité, la journaliste et réalisatrice Manon Loiseau. Bonjour. Bonjour. Prix Albert Londres, vous êtes l'auteur de nombreuses enquêtes en Russie, notamment sur la guerre en Tchétchénie et sur la situation dans la région du Caucase, hein, plus globalement. Vous avez réalisé en 2008 un documentaire qui revient justement sur cette affaire Litvinenko. Il est intitulé « Meurtre en série au pays de Poutine ». Voilà, alors vous avez été l'une des premières reporters à obtenir le témoignage de certains des protagonistes de cette histoire que nous venons de raconter, dont Litvinenko lui-même. Alors dites-nous un peu plus de... Donnez-nous un peu plus d'informations sur cet homme bien mystérieux. Qui était-il? Et était-il un ex-agent du KGB repenti ou autre chose? Alexandre Litvinenko, c'est un homme qui a fait toute sa carrière en fait dans les services de sécurité russes, qui était au ministère de l'Intérieur, ensuite qui a rejoint le KGB, qui est ensuite devenu le FSB, et qui s'est voulu toutes ces années, entre guillemets, serviteur de l'État. Il y a eu un moment donné, un premier mouvement de entre guillemets, dissidence, on va dire, en tout cas, c'est très très rare que des gens de l'intérieur, il était lieutenant-colonel quand même, prennent la parole pour dénoncer des activités à l'intérieur de leur structure. Et donc en 1998, il fait une conférence de presse avec, ils sont quatre, membres du FSB, pour dénoncer en fait une espèce d'infiltration mafieuse dans les services de sécurité. Et notamment, il dit que lui et les autres disent qu'on leur a demandé de commettre des assassinats politiques, ce qu'ils refusent de faire, et notamment celui de Boris Berezovsky, qui à l'époque, Boris Berezovsky en Russie, était considéré, on l'appelait le Rasputin du Kremlin. Enfin, c'est lui qui tirait toutes les ficelles, qui était très très proche de la famille Yeltsin, qui a participé à... qui a eu l'idée de faire venir Vladimir Poutine pour remplacer Boris Yeltsin. Donc c'est un personnage absolument clé. Important. Très important. Ouais. Voilà, donc ça c'est un premier acte public de Litvinenko. Ça veut dire, pardon beaucoup, mais c'est-à-dire que Litvinenko, il a une idée, peut-être même, je ne sais pas si je peux employer ce terme, de noblesse du métier, peut-être. Alors, je vivais à l'époque à Moscou, j'ai vécu 10 ans à Moscou de 1994 à 2004. Je sais qu'à l'époque, les correspondants étrangers, on se demandait ce qu'il y avait derrière, quand même. Parce que Boris Berezovsky n'est pas non plus un enfant de cœur, donc on se demandait si ce n'était pas Boris Berezovsky qui manipulait quelque part pour faire croire qu'il était en danger. Donc, il y avait déjà des problèmes de clan, en fait, dans l'entourage du Kremlin. Donc, c'était pas très net, et c'était très étrange et très inhabituel, parce que c'est un acte pour le KGB, qui s'appelle maintenant l'FSB, c'est un acte de trahison, impensable. Et puis, en fait, il a continué, Alexandre Litvinenko. Oui, mais je suis encore sur les motivations. Qu'est-ce qui le pousse réellement à faire ça? Alors, est-ce qu'il y a une conscience ou c'est pas autre chose? Selon sa femme, Marina Litvinenko, oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lui qui se voulait serviteur de l'État, avec une noblesse en fait de servir les services de sécurité, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas exécuter ses ordres. Il ne voulait pas que les services de sécurité deviennent maintenant des agents d'exécution des gens qui gênent le pouvoir. Donc, il ne veut pas que ça soit dans l'organisation criminelle. Voilà. Il veut que ça soit politique et policière, mais pas criminelle. C'est ce qu'il dénonce d'ailleurs. Équation difficile à trouver dans certains pays quand même. Et puis équation très compliquée dans les années 90 en Russie, où quand même la mafia est partout et infiltre tout. Vraiment, les années Yeltsin, c'était ce qu'ils appelaient le bardak, le grand bordel. Et donc il y avait énormément d'infiltrations, de structures mafieuses un peu partout. Donc ces dénonciations sont très graves. En même temps, il n'y a pas tant de preuves que ça. Berezovsky est un personnage ambigu, donc c'est vrai que voilà, sa femme dit ça aujourd'hui. Moi je l'ai rencontré plusieurs fois, Litvinenko, à cette époque-là en Russie. On ne savait pas tellement quoi faire de ces informations, et en même temps, à chaque fois, ce sera le cas pour après, quand il deviendra vraiment un opposant après à Poutine. Il pensera, je pense, à l'époque, après quand Poutine est arrivé au pouvoir, que Poutine le soutiendra là-dedans. Le thème de Poutine, c'était la Russie propre. Donc il s'est dit qu'il trouverait en Poutine quelqu'un qui voudrait nettoyer ce qu'il dénonçait en fait dans les services. Mais après, quand il s'est mis en fait à parler des fameux attentats de Moscou de 99 et de dire que le FSB était derrière. Donc là, il a franchi des lignes rouges, et à chaque fois, il nous sollicitait beaucoup, les journalistes occidentaux. Moi, je travaillais à la BBC là-bas. Il nous sollicitait énormément. Il disait, j'ai des informations exclusives qui prouvent que le Kremlin ou le FSB est derrière les attentats de Moscou. Mais il n'y avait jamais de preuves. C'est-à-dire que c'était toujours... compliqué à manier, ça. Il le disait, mais c'était compliqué. Et en même temps, c'était très compliqué pour lui. C'était très dangereux. Et c'était très compliqué, d'apporter des preuves tangibles. Mais il connaissait très, très bien les structures. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, et j'en fais partie, on a été assez... on prenait un peu avec des pincettes ce qu'il disait. On trouvait ça très étrange, très courageux, et en même temps très étrange. Et quelle personnalité il dégageait? Très sympathique, mais moi j'avais toujours l'impression de quelque chose, pas toujours quelque chose de très très sincère, très net, très net, pas sincère. Après, net. J'ai quand il est parti à Londres, je l'ai revu à Londres, je lui parlais beaucoup au Frontline Club, notamment après la mort d'Anna Politkovskaya, un mois avant que lui soit assassiné. C'est vrai que sa détermination, les livres qu'il a écrits, enfin il fallait être extrêmement courageux en étant un ancien lieutenant-colonel du KGB, pour prendre ces positions-là. Et il savait certainement que la mort l'attendait. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a changé, on a un peu tous changé d'avis quand on a vu qu'il continuait, qu'il, quand même, il avançait, il y avait certains documents, qu'il y avait de plus en plus de preuves qui corroboraient ses dires. Mais c'est vrai qu'au début, à première vue, c'était pas... Après, moi, j'en ai rencontré d'autres anciens du KGB, ou actuels du FSB. C'est toujours des personnages très difficiles à saisir. C'est un peu inhérent à leur métier aussi. Genre, hein. Voilà. Vous voulez qu'on écoute l'épouse de Litvinenko, oui, Marina, hein, Marina. Donc, la veuve maintenant d'Alexandre. Écoutez ce qu'elle dit de la mort de son mari. Lugovoy n'avait pas de raison de tuer Sacha. Ce n'était pas une vengeance personnelle, rien de tout ça. Il a simplement été l'arme que quelqu'un a utilisée. Et là est la question, qui a utilisé Lugovoy pour tuer mon mari ? Et le polonium rend tous les scénarios possibles. On peut imaginer n'importe quelle conspiration. Parlons de ce Lugovoy, aujourd'hui député à la Douma. Aujourd'hui député à la Douma, tranquille, d'ailleurs. Tranquille, quoi, tranquille. Très tranquille. Très tranquille. Et en plus, un de ceux qui est le plus en avant sur, justement, on va dire, la paranoïa en Russie anti-occidentale. Il a été vraiment en ligne de front par rapport à toutes les lois sur la Crimée, sur la grandeur russe. Il fait partie du parti de Vladimir Jirinovski, qui est un parti d'extrême droite. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir l'approcher. Pour la petite histoire, en fait, quand je suis allée pour le premier rendez-vous avec lui et Kovtoun, d'ailleurs, son acolyte, pour savoir s'ils acceptaient que je les suive pendant 6 mois, je faisais ce film sur Litvinenko. Je leur expliquais que j'avais Marina Litvinenko, Boris Berezovsky, donc ce serait bien qu'il y ait la partie adverse, en tout cas, eux étaient accusés. Et ils m'ont servi du thé. Et donc, je regarde, évidemment, pendant 20 minutes, cette tasse de thé sans la boire. C'était quand même quelques semaines après l'assassinat de Litvinenko. Ah oui, on peut comprendre. On parle de la Russie. Ils se rappelaient de moi parce que j'avais fait un film sur Berezovsky. En fait, Lugovoy était un ancien bodyguard de Berezovsky. C'est là que tout est très complexe, hein, tout est imbriqué. Et puis, au bout de 20 minutes, ils me disent, bon, on va réfléchir pour votre proposition de film, mais vous n'avez pas vu votre thé. Donc, là, je viens un peu blême. Je dis, là, je suis complètement coincée. En même temps, j'ai pas du tout envie de boire ce thé. En plus, eux ont été contaminés par le polonium. Donc déjà, j'étais en présence d'une source de polonium. Et là, Kovtoun, ils explosent de rire et ils me mettent du miel et disent le polonium passe beaucoup mieux avec du miel. Et là, j'ai bu le thé avec du miel et j'ai eu l'accord pour faire le film. Voilà, ça c'était de l'humour. Et demander un goûteur. C'est ça. Oui, c'est un test. Étrange, mais c'était ça tout le temps. Test. Donc pendant 6 mois, ouais, ça a été ce genre d'humour avec si on n'aime pas ton film, on te retrouvera où que tu sois, qui de la part de ces personnages n'est pas forcément très agréable. Et en même temps, beaucoup de sincérité. Ils m'ont ouvert leurs portes. On les a filmés dans un bagna en Sibérie. On les a filmés. Moi, je les ai filmés en campagne électorale jusqu'à ce qu'ils se fassent élire, en fait, député de la Douma. Et il est très c'est troublant, hein, Lugovoy, parce qu'en fait, il est très honnête. Il ouvre toutes ses portes une fois qu'il a dit oui. Mais il y a ça derrière, quand même, à l'histoire du polonium. Et il représente aussi, moi, ce que je trouvais très intéressant dans ce personnage, cette grandeur russe blessée. C'est-à-dire que c'est ces officiers de l'armée russe qui ont vécu la fin de l'URSS, comme une trahison de la part de Mikhail Gorbatchev. Donc, pour eux, la Russie de Poutine, c'est la revanche. Il biaisait toujours un peu, hein, sur quand on posait. Ouais. Moi, je lui ai quand même demandé, est-ce que c'est vous qui avez assassiné Litvinenko? Il y a eu une hésitation. Donc, j'ai vu dans Donc, cette il hésitation. Il n'a pas dit non. Il a dit, mais quel aurait été mon intérêt? Moi, je suis persuadée, un peu comme dit le juge Owen, mais mon impression, après presque un an passé avec eux, c'est que ils ont laissé des traces partout. Donc, ça peut être que eux, Lugovoy et Kovtoun. Mais je pense évidemment qu'un ancien du KGB, qui reste un officier du KGB, et finalement, peut difficilement dire non à une mission qui lui est donnée par plus haut que lui, peut-être le Kremlin. Mais je ne pense pas qu'il savait que c'était du polonium, parce qu'il est allé avec sa famille, s'il avait su que c'était du polonium, qu'est-ce que ça posait comme autre question? Quelle est la question autour du polonium? Après tout, un poison est un poison, une façon de tuer, quoi. Oui, alors le polonium, c'est très particulier, parce que c'est fabriqué... L'essentiel de la production du polonium est à Sarov, dans l'Oural, qui est une usine. Enfin, c'est nucléaire, c'est une arme nucléaire. Donc, c'est une arme radioactive. Mener une opération pareille sur un territoire étranger et l'Angleterre qui plus est, même s'il y a eu avant l'assassinat de Markov avec le coup du parapluie, c'était quand même pas ça. En même temps, ça aurait pu être le crime parfait, parce que si les médecins n'avaient pas fait ce test d'urine quelques heures avant que Litvinenko meure, ils n'auraient jamais trouvé la trace du polonium. Mais Lugovoy Oui, je pense qu'il savait que c'était pour sans doute éliminer Litvinenko, mais certainement pas une arme, parce que, en tout cas une substance nucléaire, parce qu'eux ont été contaminés. Il était avec sa famille, son fils qui a même pas 10 ans. Enfin voilà, donc il y a quelque chose de... et quelque part, ils se sont... Enfin, on les a utilisés. Bien sûr. Et en même temps, ils sont devenus, avec toute cette histoire, des héros en Russie. Vraiment ? Vraiment, parce que ça tombe, alors sans doute encore plus maintenant avec l'histoire de la Crimée, si ça revient sur le tapis, c'est parce que c'est déjà dès les débuts, on voit ce frémissement de l'Occident est contre nous. Ouais. Litvinenko est quand même globalement considéré en Russie comme un traître. C'est celui qui a trahi. C'est celui qui a trahi le KGB en le quittant. C'est celui qui a doublement trahi en partant en Angleterre. Et là, en fait, les services MI6 viennent l'annoncer, mais ils travaillaient pour les services secrets anglais. Donc ça, c'est la triple trahison. Et les Russes n'ont pas beaucoup de pitié pour ce qu'ils jugent être des traîtres. Et cette figure de Lugavoy qui incarne l'homme russe et la fierté russe retrouvée, en fait, il est extrêmement populaire en Russie. Toute cette bande-là sont des gens qui rêvent de retrouver avec Poutine et cette grande Russie la force de l'URSS sans le communisme, c'est ça en gros ? C'est ça, bon. C'est exactement ça. Et Poutine a redonné une fierté aux Russes. C'est pour ça qu'il est si populaire, à défaut de la liberté de la presse et des ONG. Madame Loiseau, on va écouter une deuxième archive. Quelques semaines après l'assassinat de Litvinenko, un autre homme sort de l'ombre, un dénommé Yevgeny Limarev. Et au micro de RFI, il se déclare lui aussi en danger de mort. Donc ça va nous montrer un peu l'ambiance dans ce pays à ce moment-là. J'étais en contact avec Alex Litvinenko pendant beaucoup d'années. Il était actif dans beaucoup de projets et déclarations contre le régime de Poutine. Et moi, j'ai travaillé comme consultant pour M. Mario Scaramella et ce Parlement d'Italie qui était engagé dans les investigations des dossiers de KGB et ses connexions avec l'Italie. J'espère que les autorités françaises prennent au sérieux tout ce que j'ai déclaré moi-même à propos de cette histoire de fou avec Litvinenko et à propos de beaucoup de choses qui ont commencé à arriver à moi après le 17 novembre. Je sais beaucoup, trop beaucoup pour beaucoup de personnes. Voilà, bon, c'est un peu l'homme qui en savait trop, ou il se met dans la peau de l'homme qui en savait trop, ou qui en sait trop. Donc ça montre quand même une atmosphère tout à fait spécifique. Depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, il y a quand même une tendance que, moi, le film à l'origine, je voulais l'appeler, c'était une phrase de Staline, « Niet chelaviek, niet problème », pas d'homme, pas de problème. Donc, ceux qui gênent, une direction d'État, cette direction-là qu'a fixée Poutine, sont écarté, voire éliminé. On commémore aujourd'hui, ça fait 10 ans que Alexandre Litvinenko a été assassiné au Polonium. Un mois avant, c'était Anna Politkovskaya. Et on n'a toujours pas, on ne sait toujours pas qui est le commanditaire de l'assassinat d'Anna. Et celui de Litvinenko, on pointe à, là pour le coup. On ne sait pas officiellement. On ne sait pas officiellement. Et en même temps, un tel poison et une telle opération, c'est ce que la justice anglaise a dit, c'est très difficile que ce soit sans la connaissance du Kremlin. Donc ça veut dire que pour vous, c'est un permis de tuer délivré par l'État ? Par le Kremlin ou... Il y a un permis de tuer, oui, c'est un mot, mais quelque part, oui, license to kill, un permis de tuer ceux qui gênent, oui. La Douma russe passe depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, et ça fait quand même maintenant 15 ans, des lois qui autorisent à se débarrasser des traîtres à l'étranger. Ça a été voté à l'unanimité quasiment par le Parlement. Il y a un an et demi, Boris Nemtsov, la principale figure d'opposition, c'est comme si on assassinait ici un leader de l'opposition en France, a été assassiné à quelques centaines de mètres du Kremlin. Il y a un an et demi. Donc ça, 2006 a cristallisé aux yeux du monde, en fait, cette politique des assassinats. Parce qu'il y a eu Alana Politkovskaya, ensuite il y a eu Litvinenko. Il y a eu Boris Nemtsov il y a un an et demi, et quelque part, ça n'a pas gêné Vladimir Poutine, ça n'a pas non plus suscité, on va dire, un tollé du monde occidental. Pas plus que ça, sur le coup, l'émotion, mais il n'y a pas non plus... Alors, il y a les sanctions maintenant liées à la Crimée, mais il y a toujours, d'ailleurs, même l'État anglais, Cameron, juste après que les conclusions du juge Owen aient été rendues publiques, a dit, oui, certes, c'est sérieux, et en même temps, ça confirme tout ce qu'on se disait depuis 10 ans. En même temps, on a besoin de la Russie comme partenaire économique. Il y a énormément d'investissements russes à Londres. Et on a aussi besoin d'être en lutte avec eux contre Daesh. Voilà, donc c'est un principe de réalité. Et Vladimir Poutine le sait. Et puis alors, ça n'étonne personne non plus, parce que personne n'affirme, je crois que ça serait une erreur, que la Russie est une démocratie, hein, en tout cas, comme on l'entend nous. Il y a un mot, un néologisme, qui s'appelle démocrature. Alors peut-être que ça colle avec la Russie, peu importe les mots. Enfin, ça ne répond pas à ce qu'on appelle une démocratie avec des séparations de pouvoir, avec une justice qui, elle, peut condamner. Pas un pouvoir administratif, donc on n'est pas étonné finalement. Non, et puis la justice n'est pas indépendante, les juges sont pas indépendants, la presse est muselée, il n'y a plus d'ONG, les lois contre les ONG, maintenant elles sont toutes qualifiées d'agents de l'étranger, même celles qui ont reçu le prix Sakharov. Il y en a une qui a rendu l'argent, ce qui était 5000 euros, à l'État russe pour ne pas être qu'on la ferme, et sinon elle était qualifiée d'agent de l'étranger. Tout ça, c'est des terminologies soviétiques. On parle, alors j'entends certains ici qui disent, on parle de démocratie autoritaire. Dire quoi, démocratie autoritaire? C'est pas démocratie. Voilà. Démocrature, donc, c'est plutôt bien trouvé. C'est un régime. Hein. Démocrature, voilà. Mais en tout cas, la liste des assassinats politiques s'allonge Il n'y a pas de progrès sur ce point-là, quoi. Il n'y a pas de progrès sur ce point-là et il n'y a aucun commanditaire jusqu'à aujourd'hui qui a été trouvé. Est-ce qu'il y a un lien, alors, au-delà du fait qu'il faut éliminer ceux qu'on veut faire taire, on les fait taire en les éliminant. Alors, au-delà de ce lien qui paraît assez naturel, est-ce qu'il y a un autre lien entre les assassinats de Litvinenko et de Anna Politkovskaya? C'est quand même assez éloigné. Le lien qu'il y a, c'est un contexte. C'est-à-dire que j'ai vécu 10 ans là-bas, mais ce que je ressentais en vivant là-bas, et je vivais là-bas à cette époque-là, c'est que l'arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin a créé un contexte où on sent qu'on peut se permettre de se débarrasser de ceux qui gênent. Anna Politkovskaya, je pense que c'est pas Vladimir Poutine qui avait intérêt à la faire tuer. Elle menaçait pas Vladimir Poutine. Elle était une voix qui dérangeait, mais en même temps, elle était très connue en Occident. Enfin, elle disait quand même des vérités que le Kremlin ne voulait pas entendre. Absolument. Et surtout Monsieur Kadyrov, qui est président de la Tchétchénie, et les traces remontent à lui, comme les traces remontent pour l'assassinat de Boris Nemtsov, remontent aussi à Kadyrov, mais qui est complètement protégé par le Kremlin. L'assassinat de Litvinenko, par contre, c'est très, c'est difficile d'imaginer que le Kremlin n'ait pas été au courant d'une telle opération. Voilà. Donc c'est un contexte qui fait qu'il y a un climat de permis de tuer et qui se réalise. Que veut Poutine finalement? Les dessins de Poutine sont compliqués à comprendre. Franchement, très compliqués. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son dessin pour son pays? Oula, vaste question. Vaste question. Je pense qu'il a changé sur 15 ans. Qu'en 45 secondes. C'est une Russie, c'est un régime autoritaire. Il veut une Russie forte, crainte. Ce qu'on voit depuis l'Ukraine et la Crimée, c'est très clairement en tout cas en Russie, et il joue énormément là-dessus avec le sentiment national russe sur cette Russie fière que l'Occident voudrait humilier. Ce qui se passe en Syrie, c'est très populaire en Russie. C'est-à-dire que c'est le retour de la grande Russie. Il garde cette incroyable popularité parce que justement, une grande partie de la population a très mal vécu la fin de l'URSS et donc c'est quelque part l'heure de la revanche. Et c'est l'anti-Gorbatchev par excellence. C'est l'anti-Gorbatchev par excellence. Manon Loiseau, merci infiniment pour toutes ces informations et votre connaissance de la Russie. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat d'Alexandre Litvinenko, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles, évidemment. Demain, nous évoquerons le putsch d'Alger, le putsch des généraux, et nous y reviendrons également dans la fiction de vendredi.